Toujours à l'occasion du jour du décès du général Kim Jong-il, Kim Thun, président du comité préparatoire de Myanmar pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, a publié le 3 décembre un entretien. En qualifiant son excellence M. Kim Jong-il de grand dirigeant et père affectueux du peuple, qui a consacré toute sa vie pour le bonheur du peuple et la prospérité du pays, il a affirmé qu'il restera à jamais dans le cœur de l'humanité progressiste pour ses activités extérieures énergiques livrées afin d'édifier un monde nouveau qui matérialise l'idéal d'indépendance, de paix et d'amitié.